Hymne, autel sanglant, aux sombres cathédrales, aux vitraux douloureux, dans les cloches, l'encens, et l'orgue déchaînant ses hosannas puissants. Ô cloître blanc perdu, pâles amours claustrales, ce siècle hystérique où l'homme a tant douté et s'est retrouvé seul, sans justice et sans père, roulant par l'inconnu sur un bloc éphémère. Mais dors, c'est bien fini, dors pour l'éternité. Ô convoi solennel des soleils magnifiques, nouez et dénouez vos vastes masses d'or. Doucement, tristement, sur de graves musiques, menez le deuil très lent de votre sœur qui dort.